Bonjour à tous, bienvenue à la lecture audio quotidienne de la Bible. Nous sommes aujourd'hui lundi le 13 février. Nous en sommes au jour 44 de notre parcours à travers la Bible en un an. C'est Maxime qui est avec vous ce matin, toujours affligé de la grippe, du virus, de l'influenza que nous partageons en famille pour la semaine. Donc, on fait de son mieux pour essayer de faire la lecture sans que vous soyez trop incommodés par le son. S'il vous plaît, soyez indulgents. Ce matin, nous lirons dans la Bible d'études version Semeur. Nous commençons à l'instant avec le chapitre 35 du livre d'Exode. Nous lirons le verset 4 jusqu'au chapitre 36, le verset 38. Moïse dit à toute l'assemblée des Israélites, « Voici ce que l'Éternel a commandé. Prélevez parmi vous une offrande pour l'Éternel. » Toute personne qui le souhaite dans son cœur apportera à l'Éternel une offrande en bronze, en argent ou en or, ou des fils de pourpre violette, de pourpre écarlate, de rouge éclatant, de lin et de poils de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin et du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier et des aromates pour l'huile d'onction et le parfum aromatique à brûler, des pierres d'onyx et d'autres pierres à enchâsser pour l'éphod et pour le pectoral. Tous les gens habiles parmi vous, qu'ils viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a prescrit. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses cadres, ses traverses, ses piliers et ses socles. Le coffre sacré avec ses barres et le propitiatoire, le voile de séparation, la table, ses barres et tous ses accessoires, ainsi que les pains destinés à être exposés devant l'Éternel, le chandelier, ses ustensiles, ses lampes et l'huile d'éclairage, l'autel des parfums et ses barres, l'huile d'onction sainte, le parfum aromatique et le rideau pour l'entrée de la demeure, l'autel des holocaustes, sa grille de bronze, ses barres et tous ses accessoires, la cuve et son socle, les tentures du parvis, ses piliers, ses socles et le rideau pour l'entrée du parvis, les piquets du tabernacle, ceux du parvis et leurs cordages, les vêtements de cérémonie pour faire le service dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le prêtre Aaron et ceux de ses fils pour l'exercice du sacerdoce. Puis la communauté des Israélites se retira de la présence de Moïse. Alors tous ceux dont le cœur était bien disposé et qui avaient l'esprit généreux vinrent apporter à l'Éternel leur offrande en vue de la construction de la tente de la rencontre, de tout l'ouvrage à réaliser et de la confection des vêtements sacrés. Tous ceux qui le souhaitaient dans leur cœur, hommes et femmes, vinrent apporter des pendentifs, des boucles, des anneaux, des bracelets et toutes sortes d'ornements en or, et ils les offrirent à l'Éternel avec le geste de présentation. Tous ceux qui avaient chez eux des fils de pourpre violette, de pourpre écarlate, de rouge éclatant, de lin, de poils de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin les apportèrent. Tous ceux qui avaient mis de côté une offrande en argent et en bronze l'apportèrent à l'Éternel. Tous ceux qui avaient chez eux du bois d'acacia l'apportèrent pour tout l'ouvrage à réaliser. Toutes les femmes habiles filèrent le lin de leurs mains et apportèrent des fils de pourpre violette, de pourpre écarlate, de rouge éclatant et de lin. Toutes les femmes habiles qui le désiraient de tout cœur filèrent les poils de chèvre. Les chefs du peuple apportèrent les pierres d'onyx et les pierres à enchâsser pour l'éphod et le pectoral, les aromates et l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum aromatique. Tous les Israélites, hommes et femmes, qui désiraient de tout cœur apporter quelque chose pour les ouvrages que l'Éternel avait ordonné d'exécuter par l'intermédiaire de Moïse, apportèrent leurs offrandes volontaires à l'Éternel. Moïse dit aux Israélites, « Voyez, l'Éternel a désigné Betsaléel, fils d'Uri, descendant de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli d'esprit de Dieu qui lui confère habileté, intelligence et compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des projets, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour tailler des pierres à enchâsser, pour sculpter le bois de manière à réaliser toutes sortes d'ouvrages, Il lui a aussi accordé, de même qu'à Oholiab, fils d'Ahisamac de la tribu de Dan, le don d'enseigner sa technique à d'autres. Il les a doués d'habileté pour exécuter toutes sortes de travaux de sculpteurs et de dessinateurs, pour broder les fils de pourpre violette, de rouge éclatant et de lin, pour réaliser des travaux de toutes sortes et concevoir des projets. Betsaléel et Oholiab et tous les hommes habiles que l'Éternel avait doués d'habileté, d'intelligence et de compétence pour exécuter tous les ouvrages à réaliser pour le sanctuaire, exécutèrent tout conformément aux ordres de l'Éternel. Moïse fit venir Betsaléel et Oholiab et tous les hommes habiles que l'Éternel avait doués d'habileté et tous ceux dont le cœur était disposé à exécuter les travaux. Ils reçurent de Moïse tous les dons que les Israélites avaient apportés pour exécuter les travaux nécessaires à la construction du sanctuaire. Et chaque matin, on continuait à apporter des offrandes volontaires à Moïse. Alors, tous les artisans habiles qui exécutaient tous les ouvrages du sanctuaire interrompirent l'un après l'autre leur travail et vinrent dire à Moïse : Le peuple en apporte plus qu'il ne faut pour exécuter l'ouvrage que l'Éternel a commandé de faire. Là-dessus, Moïse fit passer dans le camp le mot d'ordre suivant : Que plus personne, ni homme ni femme, ne prépare d'offrande pour le sanctuaire. Le peuple cessa donc d'en apporter, car les matériaux étaient en quantité suffisante pour l'ensemble des travaux à réaliser. Il y en avait même en surplus. Ainsi, les artisans habiles qui étaient à l'ouvrage firent le tabernacle avec 10 tentures de fin lin retors, de fils de pourpre violette, de pourpre écarlate et de rouge éclatant. Des artisans y brodèrent des chérubins. Chaque tenture avait 14 mètres de long et 2 mètres de large. Elles étaient toutes identiques. 5 de ces tentures furent cousues ensemble l'une à l'autre, et l'on fit de même avec les 5 autres. Sur le bord de la dernière tenture de chaque assemblage, on fixa des cordons de pourpre violette. Il y avait 50 cordons à l'extrémité de chaque assemblage, et les cordons des 2 assemblages se correspondaient les uns aux autres. On fit aussi 50 agrafes d'or, et l'on joignit les 2 séries de tentures l'une à l'autre au moyen de ces agrafes, de sorte que le tabernacle forma un tout. On confectionna aussi 11 tentures de poils de chèvre pour recouvrir le tabernacle comme d'une tente. Ces tentures avaient 15 mètres de long et 2 mètres de large. Elles étaient toutes identiques. On assembla ces tentures 5 d'une part et 6 de l'autre. On fixa 50 cordons sur le bord de la dernière tenture de chaque assemblage. On fabriqua 50 agrafes de bronze pour assembler la tente afin qu'elle forme un tout. Ensuite, on fit pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin par-dessus. On fit aussi des cadres en bois d'acacia posés à la verticale pour le tabernacle. Chaque cadre avait 5 mètres de long et 50 cm de large et était muni de 2 tenons parallèles. On fit donc 20 cadres pour le côté sud du tabernacle. Pour chacun d'eux, on disposa 2 socles d'argent, un pour chaque tenon, soit 40 socles pour les 20 cadres. On fit de même pour le côté nord de la demeure, 20 cadres et 40 socles d'argent, 2 pour chaque cadre. Pour l'arrière du tabernacle, tourné vers l'ouest, on fit 6 cadres, plus 2 cadres comme contrefort des angles arrière du tabernacle. Chacun était jumelé avec l'un des cadres des extrémités, depuis le bas et bien lié avec lui jusqu'à son sommet par un seul anneau. C'est ainsi qu'on les fit tous deux pour les 2 coins. Il y avait donc en tout 8 cadres et 16 socles d'argent, 2 pour chaque cadre. On fit 5 traverses de bois d'acacia pour les cadres d'un côté du tabernacle, 5 traverses pour ceux de l'autre côté et 5 traverses pour ceux du fond à l'ouest. Ils firent la traverse médiane qui passait au milieu des cadres d'une extrémité à l'autre du tabernacle. On plaqua ces cadres d'or et l'on fabriqua des anneaux d'or pour recevoir les traverses que l'on plaqua également d'or. On fit le voile avec des fils de pourpre violette, de pourpre écarlate, de rouge éclatant et de lin retors, où des artisans brodèrent des chérubins. Pour le soutenir, on tailla 4 piliers d'acacia que l'on plaqua d'or. Ils étaient munis de crochets d'or et reposaient sur 4 socles d'argent. On confectionna un rideau pour l'entrée de la tente en pourpre violette, pourpre écarlate, rouge éclatant et lin retors en ouvrage de broderie. On fit, pour le soutenir, 5 piliers et des crochets. Leurs chapiteaux et leurs tringles furent plaqués d'or et leurs 5 socles étaient en bronze. Nous continuons avec la lecture de notre psaume pour aujourd'hui qui est le psaume 34, dont nous lirons les versets 1 à 11. Le psaume s'intitule dans cette version « Semeur, le Seigneur m'a délivré ». Ce psaume est à la fois une prière de reconnaissance à l'occasion de la délivrance du danger et un psaume d'instruction concernant la juste attitude du fidèle envers l'Éternel. Lisons. Psaume de David, lorsqu'il simula la folie en présence d'Abimélec qui le chassa, de sorte que David put s'en aller. Oui, en tout temps, je remercierai l'Éternel. Et à jamais mes lèvres te loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble pour ce qu'il est. Moi, je me suis tournée vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivrée de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie, et jamais son visage ne rougira de honte. Un malheureux a appelé, et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le révèrent. C'est lui qui les libère. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Vous qui appartenez à l'Éternel, révérez-le, car rien ne manque à ceux qui le révèrent. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais ceux qui se tournent vers l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Enchaînons avec la lecture de notre proverbe pour aujourd'hui. Donc, nous lirons au chapitre 6 du livre des Proverbes, le verset 6 jusqu'au verset 11. Ce passage s'intitule « Le paresseux ». Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi. Observe son comportement et tu apprendras la sagesse. Elle n'a ni surveillant, ni contremaître, ni chef. Durant l'été, elle prépare sa nourriture. Au temps de la moisson, elle amasse ses provisions. Et toi, paresseux, combien de temps vas-tu rester couché? Quand donc sortiras-tu de ton sommeil pour te lever? Je vais faire juste un petit somme, dis-tu, juste un peu m'assoupir, rien qu'un peu croiser les mains et rester couché un instant. Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un pillard. Terminons par notre dernier passage qui se trouve dans le Nouveau Testament. Nous en sommes toujours dans le livre de Matthieu. Nous lirons ce matin les versets 15 à 29. Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits. Un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Je leur déclarerai alors « Je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Quand Jésus eut fini de parler, les foules étaient impressionnées par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avaient pas leurs spécialistes de la loi. Ceci est la parole de Dieu pour nous ce matin. Nous voulons conclure ensemble par un court temps de prière. Prions. Père céleste, nous voulons ensemble ce matin venir devant toi. Nous voulons goûter et constater combien l'Éternel est bon, combien l'Éternel est grand. Seigneur, comme le psalmiste, nous pouvons dire que tu es notre sujet de fierté. Oui, Seigneur, tu es tellement merveilleux, insondable. Tu es encore plus que tout ce qu'on peut imaginer, Seigneur. Nous voulons ce matin te louer, te glorifier pour qui tu es, toi qui es saint. Père, nous voulons confesser que nous sommes loin d'être dignes de venir à toi. Seigneur, ce matin, suite à la lecture du livre des Proverbes, nous voulons te confesser notre paresse. Pardonne-nous trop souvent de laisser la vaillance de côté et de choisir la paresse. Seigneur, nous voulons te remercier pour Jésus qui est mort pour nous, qui a payé pour nous. Et Seigneur, tout comme les Israélites qui venaient à Moïse avec des cœurs bien disposés en apportant leurs richesses, leurs bijoux, leur or, afin de te construire une maison, Seigneur. Nous voulons venir à toi aussi avec nos plus belles offrandes, avec nos cœurs tout entiers pour toi. Nous voulons venir à toi avec nos cœurs bien disposés, Seigneur, afin que tu puisses les modeler, les transformer. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier en tout temps. Te remercier pour ta bonté, ta compassion, ta miséricorde. Nous voulons te remercier, bon Père, parce que tu nous délivres de nos frayeurs, parce que tu chasses nos inquiétudes. Oui, Seigneur Jésus, je te prie de disposer nos cœurs à te servir encore mieux, encore cette semaine. Seigneur, dispose nos cœurs à porter des fruits. Agis en nous par ton esprit afin qu'on puisse porter des fruits pour l'avancement de ton royaume. Nous voulons construire nos maisons sur le roc. Nous voulons, Seigneur, placer toute notre confiance en toi, toi qui es le roc, toi qui es notre forteresse solide. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te prie ce matin. Seigneur, continue d'agir en nous, de nous transformer par ta parole, par ton esprit. Et c'est dans le nom précieux de Jésus qu'on te prie ce matin. Amen.